À quelques jours de là, en rentrant des champs, un mouton qui longeait une haie fit un bond énorme. En m'approchant, je vis qu'il saignait au nez. Je pensais qu'il s'était piqué à une grosse épine, et après l'avoir lavé, je n'y pensais plus. Le lendemain, je fus terrifié en le retrouvant avec la tête presque aussi grosse que le corps. Au cri que je poussais, Martine accourut, et le cri qu'elle poussa elle-même fit accourir tout le monde. J'expliquai ce qui était arrivé la veille, et le fermier assura que le mouton avait dû être mordu par une vipère. Il fallait lui faire des lavages et le laisser à l'étable jusqu'à ce que l'enflure soit partie. Je ne demandais pas mieux que de soigner la pauvre bête, mais quand je fus seul avec elle, une épouvante me prit. Cette tête énorme qui se balançait sur ce petit corps me causait une frayeur insensée. Les yeux démesurés, la bouche immense et les oreilles qui se tenaient droites et raides composaient un monstre difficile à imaginer. Il restait constamment au milieu de l'étable, comme s'il eût craint de se cogner au mur. J'essayais de m'approcher de lui en me disant que ce n'était qu'un mouton. Mais aussitôt qu'il se tournait de mon côté, je filais comme une flèche vers la porte. Je ressentais cependant une grande pitié pour lui. Par instant, il me semblait que cette face, qui se balançait de droite à gauche, me faisait des reproches. Alors quelque chose chavirait dans ma tête, et je sentais venir la folie. Je compris que j'étais capable de le laisser mourir de faim. Je racontai cela au vacher, qui voulait bien se charger de soigner les moutons tant que durerait l'enflure. Il se moquait de moi. Il ne comprenait pas comment je pouvais avoir si grand-peur d'un mouton malade. J'eus l'occasion de lui rendre un service à mon tour, et j'en fus bien contente. En détachant le taureau un matin, il avait fait un faux pas et était tombé devant lui. Le taureau l'avait flairé en reniflant et en soufflant. C'était un jeune qu'on avait élevé à la ferme et qui commençait à faire la mauvaise tête. Le vacher craignait de le voir devenir furieux, et il était persuadé que la bête se souviendrait de l'avoir vu à terre devant elle. J'aurais bien voulu le rassurer, mais je ne savais pas ce qu'il fallait dire pour cela. Puis, j'étais toute surprise de le trouver tout à coup si vieux. Il avait jeté son chapeau à terre, et je remarquai, pour la première fois, que ses cheveux étaient tout gris. Toute la journée, je pensai à lui, et le lendemain, pendant que les vaches sortaient une à une, je ne pus m'empêcher d'entrer dans l'étable. Le vacher regardait fixement le taureau qui tirait impatiemment sur sa chaîne. Je m'approchai, et après avoir caressé la bête, je la détachai. Le vacher laissa passer le taureau qui sortit comme un fou, et après m'avoir regardé, tout surpris, il le suivit en boitant. J'avais bien moins peur du taureau que du mouton enflé, et chaque jour j'entrais dans l'étable, en prenant des précautions pour ne pas être vu. Pourtant Eugène m'avait vu. Il me prit à part, et en plongeant ses petits yeux dans les miens, il dit « Pourquoi détaches-tu le taureau ?» Je craignais de faire gronder le vacher en disant la vérité. Et je cherchais quelque chose à dire, mais je ne trouvais rien. Je commençai à dire que je ne le détachais pas. Alors Eugène prit son air moqueur pour me dire « Est-ce que tu serais menteuse par hasard ?» Aussitôt, je lui racontai tout, et le samedi d'après, la bête était vendue. J'avais souvent remarqué combien il était bon pour tout le monde. Chaque fois que le fermier avait des différends avec ses ouvriers, il finissait toujours par appeler son frère, qui arrangeait les choses en quelques mots. Il s'occupait aux mêmes travaux que maître Sylvain. Mais il refusait d'aller au marché. Il disait qu'il n'aurait même pas su vendre un fromage. Il marchait posément, en se balançant, comme s'il eût réglé sa marche sur celle de ses bœufs. Il passait presque tous ses dimanches à Sainte-Montagne. Quand le temps était trop mauvais, il restait à lire dans la grande salle. Souvent je le guettais, dans l'espoir qu'il oublierait son livre. Mais jamais il ne l'oubliait. J'étais désolée de ne rien trouver à lire à la ferme. Aussi je ramassais tous les bouts de papier qui traînaient. La fermière avait fini par le remarquer, et elle disait que je devenais avare. Un dimanche que j'avais osé demander un livre à Eugène, il me fit cadeau d'un gros cahier de chansons. Pendant tout l'été, je l'emportais au champ. Je composais des airs aux chansons qui me plaisaient le mieux, puis je m'enlaçais, et en aidant la fermière au grand nettoyage de la Toussaint, je découvris des almanachs de plusieurs années. Pauline me dit de les porter au grenier. Mais je fis semblant de les oublier dans le tiroir où ils étaient, et je les emportai en cachette l'un après l'autre. Ils étaient remplis d'histoires amusantes, et l'hiver passa sans que je me sois aperçu du froid. Le jour où je les montai au grenier, je furetai pour voir si je n'en découvrirais pas d'autres. Je ne trouvai qu'un petit livre sans couverture, dont les feuillets étaient roulés au coin, comme si on l'avait longtemps porté dans la poche. Les deux premières pages manquaient, et la troisième était salie au point que les caractères en étaient tout effacés. Je m'approchai de la lucarne pour avoir plus de clarté, et à l'entête des pages, je vis que c'étaient les aventures de Télémaque. Je l'ouvris au hasard, et les quelques lignes que je lus me le rendirent si intéressant que je le mis tout de suite dans ma poche. Comme j'allais descendre du grenier, il me vint à l'idée que c'était Eugène qui l'avait mis là, et qu'il pouvait venir le reprendre d'un moment à l'autre. Alors je le remis sur la solive noire où il était. Chaque fois que j'avais l'occasion d'aller au grenier, je m'assurais qu'il était toujours à sa place, et j'en lisais autant que j'en pouvais. Dans ce moment-là, j'eus encore un mouton malade. Ses flancs étaient creux, comme s'il n'avait pas mangé depuis longtemps. J'allai demander à la fermière comment il fallait le soigner. Elle s'arrêta de plumer une poule pour me demander si le mouton était très tendu. Je ne répondis pas tout de suite. Je me demandais ce que voulait dire le mot « tendu ». Puis je pensais que tous les moutons malades devaient être tendus. Alors je dis oui. Et pour affirmer davantage, je me dépêchai d'ajouter « Il est tout plat ». La fermière se mit à rire en se moquant. Elle dit à Eugène qui sifflotait à quelques pas « Venez écouter ça, Eugène. Elle a un mouton qui est tendu et plat tout à la fois. » Eugène rit aussi. Il m'appela bergère d'occasion et il m'apprit que les moutons étaient tendus quand ils avaient le ventre enflé. 2 jours après, Pauline me dit qu'elle et maître Sylvain voyaient bien que je ne ferais jamais une bonne bergère et qu'ils avaient décidé de me garder à la maison. La vieille Bibiche n'était plus bonne à rien et Pauline ne pouvait suffire à tout depuis qu'elle avait son enfant. Au premier mot, je compris qu'il me serait facile d'aller souvent au grenier, et je remerciai vivement la fermière. Maintenant que j'étais servante de ferme, il me fallait tuer les poules et les lapins. Je ne pouvais m'y décider, et la fermière ne comprenait rien à mes répugnances. Elle disait que j'étais comme Eugène qui se sauvait quand on tuait le cochon. Je voulus pourtant essayer de tuer un poulet pour montrer ma bonne volonté. Il se débattait entre mes mains, et bientôt la paille fut toute rouge autour de moi. Quand il ne bougea plus, je le déposai dans la grange en attendant que la vieille Bibiche vînt le plumer. Mais elle se moqua bien de moi en retrouvant le poulet sur ses pattes au milieu d'un vent plein de graines. Il mangeait goulûment, comme s'il eût voulu se guérir au plus vite du mal que je venais de lui faire. La vieille Bibiche le saisit, et quand elle lui eut passé la lame sur le cou, la paille fut beaucoup plus rouge que la première fois. Pendant l'heure de la sieste, je montai au grenier pour lire un peu. J'ouvrais le livre au hasard, et à le relire ainsi, j'y découvrais toujours quelque chose de nouveau. J'aimais ce livre. Il était pour moi comme un jeune prisonnier que j'allais visiter en cachette. Je l'imaginais vêtu comme un page et m'attendant assis sur la solive noire. Un soir, je fis avec lui un beau voyage. Après avoir fermé le livre, je m'accoudai à la lucarne du grenier. Le jour était presque fini et les sapins paraissaient moins verts. Le soleil s'enfonçait dans les nuages blancs qui bouffaient et se creusaient comme du duvet. Sans savoir comment cela s'était fait, je me trouvais tout à coup au-dessus du bois avec Télémaque. Il me tenait par la main et nos têtes touchaient le bleu du ciel. Télémaque ne disait rien, mais je savais que nous allions dans le soleil. La vieille Bibiche m'appelait d'en bas. Je reconnaissais très bien sa voix malgré la distance. Elle devait être bien en colère pour crier si fort. Je me souciais peu de ses cris. Je ne voyais que le duvet brillant qui entourait le soleil et qui commençait à s'ouvrir pour nous laisser passer. Un choc sur le bras me fit retomber dans le grenier. La vieille bibiche m'écartait de la lucarne en disant « S'il y a du bon sens à me faire crier comme ça, voilà plus de 20 fois que je t'appelle pour manger la soupe. » Peu de temps après, je ne retrouvais plus le livre sur la solive. Mais c'était un ami que je portais dans mon cœur, et j'en gardais longtemps le souvenir.